C'est l'enfer du ver de terre sans père qui était en Espagne pour passer ses vacances. Comment faire alors sans chemin de fer quand on est un petit ver qui n'a pas de chance? À cette heure étrange où il n'y a pas de taxi et dans les restaurants, sa fiancée se saoule. Si tu veux un ver, laisse ta vertu ici. La fiancée du ver n'est pas vraiment une poule, mais comme dit son père, faut bien rigoler. Le petit ver était sympathique, tout de ver vêtu depuis des années. Il cherchait à vivre d'une manière pratique, mais ici en Espagne le ver est perdu. Et sa petite amie se saoule trop souvent. Pousser vers le ver est un trou du cul. Sa fiancée se saoule dans les restaurants. As-tu vu le ver vers la mer du Nord? Il est retourné bosser dans les mines. Le ver s'envoie en l'air. Le ver à l'air à part va partir en Chine. Parce qu'un éléphant il passait par là, il a marché dessus sans faire attention. Parce qu'un éléphant qui passait par là, lui a marché dessus sans faire attention. Le ver est mort tout plat, le ver est mort tout plat. Le ver est mort, mort, la meilleure satisfaction. Le ver est mort tout plat, le ver est mort tout plat. Le ver est mort, la meilleure satisfaction.